Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Défoncé comme ODB. Synthèse dans l'OCP. Le mélange a opéré. Je connais tous les procédés. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Défoncé comme ODB. Synthèse dans l'OCP. Le mélange a opéré. Je connais tous les procédés. Aucun rapport protégé. Jamais. Pour faire la fête faut DG. Ton mélange est trop léger. Tu m'as pris pour un gros PD. Dans la rue ou au QG. Le sourire est lié au budget. Le malheur vient de me posséder. Au moyen lâcherai au bûcher. Je fais même pas de rime parfaite. Dans les chiottes je pisse par terre. Je te connais pas ni ta mère. Des molécules vident ma tête. J'ai trouvé le slip de la veille. J'ai trouvé le string de la vieille. Ouais je m'en rappelle, elle me casser les couilles. Pour que je lui brise la schneck. Je peux faire le tour de la terre. Juste là au bout de ma tige. J'ai de quoi faire mal au ratiche. J'ai qu'à dans le double de la veste. J'ai sifflé toute la taille. J'appelle mon frère Miyama. Fais gaffe à qui t'ouvre la porte. On est venu foutre la merde. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Défoncé comme ODB. Synthèse dans l'OCB. Le mélange a opéré. Je connais tous les procédés. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Défoncé comme ODB. Synthèse dans l'OCB. Le mélange a opéré. Je connais tous les procédés. Je peux me foncer, je fais des aigus. Faut pas que je m'écarte de ma sécu. J'insulte tout le monde de fils de pute. Je suis possédé par Belzébuth. Je flippé le wrist. Tu flippais, tu rines. Je ris, ouais, je ris, mais je risque. Claudé avant, laisse-moi du fisc. Fixe-moi dans le rouge des yeux. Un spliff et y'a tout qui est mieux. Je bois l'élixir des dieux. Le sol s'ouvre sous mes beuges. Ça part en blague sur les feux. Accord parental sur mes scuds. On célèbre, on éclate à un bouge. On fait platine, c'est vous les gueuches. Le livre, c'est mon ami. Tous les jours, c'est mon anime. Une seule montée, c'est rapide. Et puis c'est très long, naïf. Y'a longtemps que je suis plus naïf. Y'a longtemps que j'ai plus salive. Tout le monde est d'accord, unanime. Pas d'interférence sur la ligne. Dans ce vacarme je déchante. En redescente je déchante. Quand je blackout c'est chiant. Pardonne-moi si je t'ai méchant. Moi je suis un amour sans colère. Mais quand je suis trop pâle c'est mauvais. Quand je suis un démon sans morale. C'est que j'ai changé dimension temporelle. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Défoncé comme ODB. Synthèse dans l'OCB. Le mélange a opéré. Je connais tous les procédés. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Défoncé comme ODB. Synthèse dans l'OCB. Le mélange a opéré. Je connais tous les procédés. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Gaffe quand je suis possédé. Défoncé comme ODB. Synthèse dans l'OCB. Le mélange a opéré.